On va parler du Canadien de Montréal et de l'actualité dans la Ligue nationale avec Phil Desgagnés. Salut Phil. Bonjour. Phil, on va parler d'abord de Carey Price hier. Je sais qu'il a mérité son salaire. Hein? C'est un point bonus, gracieuseté de Carey Price. Mais écoute, je pense que la qualité d'un bon gardien de but, c'est d'aller chercher ou d'aller voler une victoire. J'étais malheureux comment ça s'est terminé parce qu'il a donné un mauvais but, il faut le dire. Mais jusque-là, il avait permis aux Canadiens de demeurer dans le match. Puis il a permis aux Canadiens également d'aller chercher au moins un point au classement. Il aurait pu en avoir deux également. Mais je pense que c'est le travail de Price. Et il est considéré comme l'un des bons gardiens dans la Ligue nationale. Et ça prend ce genre de rendement-là de façon régulière. Le Canadien n'a pas une grande équipe, n'a pas une grande défensive. Donc, Price doit être à la hauteur hier. Et je pense qu'hier, il a fait le travail contre les Flyers de Philadelphie. N'oubliez pas que Philadelphie est une équipe qui est en bas du classement de Canadien. Donc, mais l'équipe hier ne s'est pas présentée hier. Honnêtement, là, l'équipe n'a pas joué un grand match, mais Price a été à la hauteur. Et à ce moment-là, quand ton gardien performe comme il a performé hier, eh bien, je pense que le Canadien aurait dû gagner ce match-là. Malheureusement, moi, je dis qu'ils ont perdu un point. Mais Price peut dire qu'il en a gagné un, lui, parce que lui, il a fait le travail. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Phil, on va parler de Claude Julien maintenant. Claude Julien qui a disputé son 1200e match. Ben, pas disputé, mais qui a dirigé son 1200e match cette semaine, oui. Écoute, je regardais ses statistiques. Il y a des chiffres comparables à Pat Quinn, à Pat Burns, à Roger Neilson, à Brian Murray. Et c'est tous des entraîneurs qui sont au temple de la renommée actuellement. Donc, si Claude Julien terminerait sa carrière là, je pense qu'il faut le considérer beaucoup, beaucoup comme au temple de la renommée. Il a gagné une Coupe Stanley avec les Bruins également. Donc, il a déjà été adjoint à l'équipe canadienne de hockey, donc on le considérait parmi les meilleurs. Il a connu du succès. Il a dirigé de très bonnes équipes à Boston. Il a toujours eu une très, très bonne équipe, ça, il n'y a aucun doute. Moi, cette semaine, quand on a annoncé le 1200e match, je t'avoue honnêtement, j'ai été un peu surpris. Je pensais pas qu'il y avait autant de matchs. Mais c'est pas le gars avec un grand charisme. C'est pas le gars qui est reconnu comme un instructeur, grand technicien ou des choses comme ça. Claude Julien n'est pas dans cette catégorie-là. Et il y a de la difficulté à se vendre. Et c'est un peu... Puis il n'est pas coloré. Pat Burns était un instructeur coloré. Pat Quinn était des instructeurs qui montraient des choses et qui étaient souvent... sur la place publique pour une chose à cause de leur charisme. C'est pas Claude Julien. Moi, je pense qu'on lui reconnaît pas toujours le crédit qu'on veut lui donner, mais ça demeure un des bons instructeurs dans la Ligue nationale de hockey. Il y a aucun doute là-dessus. La preuve, c'est que il est pas souvent sans emploi. Aussitôt qu'il devient disponible, il y a toujours un club qui est prêt à l'engager. Et moi, je pense que c'est un peu comme Alain Vigneault. Alain Vigneault, tu sais, puis souvent on dit, ah ouais, mais ils ont pas gagné la Coupe Stanley, ils ont pas gagné ci, ils ont pas gagné ça. Mais écoutez, il y en a un qui gagne la Coupe Stanley. Puis moi, je pense que dans son cas, à lui, je pense qu'il a connu une belle carrière de hockey comme instructeur. Puis je pense qu'il doit être fier des résultats. Mais c'est pas le gars également qui se met beaucoup en l'avant-garde. Là. C'est lui, à cause de lui, les genres de grandes décisions. Tu sais, il donne plus le crédit à ses joueurs. Puis il est toujours l'instructeur qui est pas nécessairement à faire de la crise à la place publique. C'est pas le genre d'instructeur, puis c'est pas le genre de individu également. Donc, moi, je pense qu'il mérite amplement sa place au temple de la renommée. Hey, Phil, en terminant, on parle un peu des Saguenayens, on parle un peu de notre équipe. Cette semaine, je t'ai appelé, puis tu m'as dit, les Saguenayens jouent pas du gros hockey, puis ils gagnent. Fait que ça te donne une idée un petit peu du club qu'ils ont. Ils sont septième dans les Canadiennes aussi, là. Ah, écoute, c'est un très, très bon club de hockey. En début d'année, moi, je pense que là, les Saguenayens commencent à retrouver leur repère. Il faut dire que le capitaine a pris quand même un certain temps, Hervé Pinard, mais tu sais, l'année passée, après, je pense, 15 matchs, il y avait 6 buts. Cette année, il y a eu de la difficulté à se mettre en branle. Il disait cette semaine aux journalistes du quotidien que la grande patinoire lui a donné une certaine difficulté d'adaptation, puis je peux le comprendre, parce que un bon marqueur, habituellement, il a ses repères sur la glace. Là, il y a 15 pieds plus large, donc ça joue plus large, c'est différent au niveau de la glace, puis je pense que ça, c'est tout à fait normal dans les circonstances, il y a une adaptation. Et deux, c'est qu'il arrivait d'un camp professionnel. Tu sais, la déception un peu de ne pas avoir été même pas invité au camp de l'équipe de la Ligue américaine. C'est toutes des choses qui font que souvent, ça joue au niveau du mental, ça joue au niveau de la façon de faire. Puis le club également, en début d'année, tout le monde disait, c'est le gros club de la Ligue junior majeure du Québec. Donc à ce moment-là, tu penses que ça va se gagner tout seul et que tu n'as pas besoin de travailler. On s'est rendu compte qu'ils ont gagné des matchs contre des équipes ordinaires, mais à cause de leur talent, pas nécessairement à cause de leur grande performance. Puis encore là, cette semaine, il disait, on a beaucoup d'ajustements encore à faire. Puis je pense que quand l'équipe est prête à accepter qu'ils ont encore des ajustements à faire, eh bien, moi, je pense que ça donne l'exemple que c'est une très bonne équipe de hockey. Puis n'oublions pas que Lapierre a été absent pendant un certain temps. Rochette. Il y a également Rochette qui a été absent pendant longtemps. On dit qu'on n'a pas une grande défensive, mais notre gardien de but depuis le début de l'année, moi, je pense qu'il y a deux révélations depuis le début de la saison. Il y a Samuel Hood qui connaît une saison exceptionnelle, puis Alexis Schenk. Schenk et démontre qu'il est parmi l'élite de toute la Ligue junior majeure du Québec au niveau des gardiens de but. Actuellement, c'est probablement, sinon le meilleur, parmi les deux, trois meilleurs gardiens de but du circuit. Il donne pas beaucoup de mauvais buts. Il est toujours en bonne position devant son filet. Il bloque les rondelles. Il est en confiance. Son équipe autour de lui joue avec confiance. Je pense que ça donne une très, très bonne idée que les Saguenay ont un bon club. On est à un mois exactement du début de la période des transactions. Moi, je suis convaincu qu'Yannick Jean déjà a tracé des plans vers où on s'en va. Mais il y a des points d'interrogation également. Tu sais, est-ce que Grolo, qui a été cédé dans la East Coast, est-ce que pourrait revenir comme joueur de 20 ans? Il y a une possibilité que Dobson revienne avec la formation de Rouyn-Noranda. Si Dobson revient, ça veut dire des choses chez les Saguenayens. Peut-être des compensations futures importantes du côté de Rouyn-Noranda. Donc, c'est toutes des choses qu'au moment où on se parle, qui sont dans le néant, que Yannick n'a pas de réponse pour l'instant. Mais je suis convaincu qu'Yannick est en conversation avec les Devils du New Jersey. Il doit l'être également avec les Islanders de New York pour savoir qu'est-ce qui arrive dans le cas de Dobson. Donc, il y a sûrement des questionnements que Yannick a. Est-ce qu'il y a des réponses? Peut-être. Peut-être qu'il n'y en a pas également. Mais c'est toutes les choses qui vont jouer, je pense, dans les décisions que les Saguenayens devront prendre à la période des Fêtes. Parce que il y a plusieurs équipes qui vont tenter, je pense, d'y aller loin. Moncton, il n'y a pas le choix, il faut qu'il y aille. Ils vont aller chercher Rodrigue devant le filet. Il y a Rimouski, qui a une très, très bonne équipe. Sherbrooke connaît un début de saison tout simplement incroyable. On s'attendait à une bonne saison. Il y a une section plus facile pour gagner des matchs, mais ça demeure qu'eux autres, là, ça fait longtemps que le public là-bas est en attente, comme à Chicoutimi. Donc, eux autres aussi, là, ils vont être très agressifs à la période des transactions. Donc, c'est toutes des choses qu'au moment où on se parle, on ne connaît pas de réponse. Est-ce que la période de transaction, dès le début, va être agressive ou les gens vont attendre à la fin? Moi, je pense que dans le cas des Saguenayens, ça risque d'être plus à la fin décembre, début janvier, que dès le début des périodes de transaction vers le 10 de décembre. OK. Salut Phil, on s'en reparle. Merci beaucoup, on s'en reparle vendredi prochain.